On est encore nombreux cet après-midi dans les rues de Rouen, puisque nous sommes 4000 cet après-midi. On est toujours aussi déterminés pour exiger le retrait pur et simple du projet de retraite, pour la satisfaction de toutes nos revendications. Je tenais aussi à vous informer que les camarades de Chapelle d'Arblay sont excusés de ne pas participer cet après-midi à cette manifestation, car, comme vous le savez, hier matin, la direction du PM a balancé la fermeture du site pour le mois de juin et le plan de suppression d'emplois. La première réunion va se tenir le 3 février prochain. Là aussi, on ne peut pas dissocier la justice sociale de la justice climatique. Et donc, quand on parle d'usines respectueuses de l'environnement, Chapelle d'Arblay en est le symbole. En ce qui concerne toute la CGT, on sera près des camarades, mais bien sûr, ce combat, il s'inscrit pleinement dans les mobilisations depuis le 5 décembre, parce que l'emploi, c'est aussi les retraites, et c'est aussi la protection sociale et notre sécurité sociale qu'on a gagnée de notre lutte. Donc voilà pourquoi les camarades sont excusés, ils sont bien sûr avec vous, mais aujourd'hui, il y avait une initiative avec la visite de l'usine de Chapelle d'Arblay, et donc c'est pour ça que cet après-midi, ils ne sont pas présents, mais dans les autres appels et manifestations, ils seront dans les rues de Rouen pour décorer comme il se doit, si jamais la direction du PM et le pouvoir public laissent fermer cette entreprise.